Si Guillermo Guiz. Ah oui. Ça va les amigos? Yo. Bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand on me voit, on se dit ce mec, il est beau. Il pue la virilité. Hein. On dit c'est un vrai mec. Non, il pue. Il pue la virilité. Non, dis pas. Tu me vois, tu dis Ernesto, le mec dans la toundra. Ouais. Il te saigne un morse, tu vois. Il le fera pas, il le fera pas. S'il est pas obligé, il le fera pas. Il respecte les mammifères marins, mais c'est un violent, tu vois. Tu me vois, tu te dis lui en présence d'un cric. Peut-être qu'il boulonne, peut-être qu'il déboulonne, mais peut-être pas, peut-être qu'il cogne, tu vois. Et c'est vrai, je suis comme ça, les gens ils ont raison, Nagui, je te le dis. Et ça n'a rien à voir avec l'augmentation que je t'ai réclamée début de semaine et des éventuelles représailles dont on avait parlé. C'est juste que je suis un viril, ça se voit sur ma gueule, c'est comme ça. Et je suis désolé pour nos auditeurs qui ne voient pas exactement à quoi je ressemble vraiment. Parce que soi-disant, vous préférez écouter la radio, n'importe quoi. Toutes les chroniques sont sur YouTube, je vois pas l'intérêt d'écouter la radio. Mentalité de vieux mais on pense on pense jamais à ça, mais la plupart de nos auditeurs, ils ignorent à quoi on ressemble en fait. Vraiment. Ils savent pas que Daniel Morin, il est blond vénitien et qu'il a une coupe au bol. Ils ignorent que Tom Villa, d'une certaine manière, il ressemble à Dominique Rocheteau. On le sait pas. Peut-être que dans l'esprit de nos auditeurs, Nagui, il est longiligne. Va savoir. Mais ceux qui nous regardent sur YouTube, ils peuvent pas se tromper. Ils savent qu'en vrai, j'ai un physique de... Allez, disons que je pourrais être dans le groupe Powwow. Voilà. Je pourrais pas être dans Walls Apart, mais je pourrais être dans Powwow. Vraiment. C'est dit, et tant que faire se peut. Powwow. Le chat. Ouais. Le chat. J'essaie d'être un mec viril dans la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lundi soir, je me suis offert un massage du crâne. J'ai pas me justifié. Je bosse sur une radio communiste dans une émission perte de vitesse avec des collègues. J'ai pas me justifié. Voilà, je décompresse et tout. Je m'installe sur la table pour le massage et la fille qui est une copine, elle me dit je vais d'abord te faire un petit soin visage. Je lui dis un petit soin visage. Est-ce que ce serait pas par hasard, toute chose étant égale par ailleurs, un truc de meuf, hein? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que je suis une meuf, hein? Est-ce que quand tu me vois, tu dis oh, il a des belles formes qui me gardent à champ? Non, négatif. Moi, je suis un mec. On touche pas mon visage. Voilà, je me laisse pousser la barbe. Bon, il s'avère que ma barbe, elle préfère rester dans mon derme. C'est, chacun ses projets, tu vois. C'est pour ça que je ressemble moins à Sébastien Chabal qu'à Leïla. Voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, moi, on me fait pas un soin à visage. J'ai jamais mis de la crème hydratante sur mon visage. J'ai de la crème hydratante chez moi. J'en ai. Mais elle a jamais vu mon visage. Ça, je peux vous dire, franchement, je peux vous dire. Donc, ok. Il faut que j'en rachète. Mais elle a jamais vu mon visage. Ça, je vous dis. Donc, j'ai dit, voilà, ok, bah, fais-moi ton soin visage de gonzesse, là, fais-le-moi. Mais si t'en parles à quelqu'un, je dirais que t'as essayé de me toucher. Je te ferai un mytho. Je te dis directement, je te ferai un mytho. Elle m'a nettoyé le visage, donc couche après couche. Elle a extrait mes points noirs. Il y en avait 2000, je crois qu'elle les a compactés. Elle a fait une poterie. Vraiment, c'est un truc. Elle m'a fait un gommage, elle m'a fait un masque. Elle m'a fait un putain de masque. Je me disais, ça y est, j'ai un masque de beauté sur la gueule. Bah, c'est fini, je suis un mec fini. Je vais sortir dans la rue. Mon gag, il va tomber tout seul, tu vois. Et vu son poids anecdotique, quand il tombera, bah, je l'entendrai pas tomber, tu vois. Donc je vais l'égarer. Qu'est-ce qui va se passer un jour? Je vais aller comme par hasard sur le bon coin. Qui je vais retrouver? 7,89€. Je vous le donne en 1000. Et donc voilà. Et je me disais ça quand elle me tartinait les joues avec son espèce d'huiles essentielles, choucroute, pain d'épices là. Je me disais, je suis en train de faire le truc le moins viril que j'ai jamais fait de ma vie. Je me disais, si Dieu existe, dans l'au-delà, il va me mettre chez les filles avec Régine, tu vois. Et je me disais ça, c'est trop la honte, quoi. Et je me disais, mais en même temps, comment c'était bien, quoi. Ouais, ouais. Oh, comment c'était, toutes les sensations étaient agréables. Ça sentait bon, c'était frais. La dernière fois que je m'étais senti aussi bien, c'est quand la France a perdu contre les Pays-Bas. Vraiment, c'est pour vous dire, j'étais. Et je me disais, putain, mais pourquoi on se coupe de ça? Merde, tu es. Pourquoi on se coupe de ça? Pourquoi les mecs on se coupe de ça? C'est trop bien les soins visage, c'est bien. Parce qu'en fait, je suis sorti de là, j'étais pas moins viril, quoi. J'ai croisé un morse, j'ai mis une patate, tu vois. Je lui ai dit, donne le message à Nagui, vraiment. Et je lui ai dit, vraiment, j'étais pas moins mec, j'étais juste plus propre et je me sentais mieux, en fait. Ouais. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que les filles, si vous avez d'autres plans secrets comme ça, faites péter, parce qu'on le sait pas encore, mais on est demandeurs. Allez, bonne émission.